Vous êtes sur Radio Fagette dans l'émission Grand Large. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle édition qui nous amènera à découvrir aujourd'hui la Semaine Sainte. Nous prendrons trois temps musicaux pour se détendre entre chaque chronique. Grand Large, une émission présentée par les propédeutes de Nancy avec pour chroniqueur Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Jean. Gauthier, bonjour Gauthier. Bonjour Jean. Et Antoine, bonjour Antoine. Bonjour à tous. Et pour commencer, nous allons écouter Vincent, qui va nous faire entrer dans l'histoire de la Semaine Sainte. Alors, je voudrais déjà dire que la Semaine Sainte fait mémoire des derniers jours de la vie de Jésus et qu'elle arrive à la fin de la période qu'on appelle le carême. Voilà, qui correspond aux 40 jours où Jésus a passé dans le désert. Donc la Semaine Sainte, elle commence le dimanche des Rameaux. Elle inclut entre autres le jeudi saint et le vendredi saint, qui sont des célébrations et des jours importants. Et elle s'achève avec la veillée pascale qui se déroule pendant la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, ce qui va demander cette année un petit aménagement avec le couvre-feu, vu que cette veillée normalement doit se faire dans la nuit. Alors, cette Semaine Sainte, en fait, elle était déjà, elle avait déjà la cote au 3e siècle, on va dire. On l'appelait la Grande Semaine, non pas parce qu'il y avait plus de jours que les autres semaines, mais à cause de la grandeur des mystères que l'on y célébrait. On l'appelait aussi la semaine peineuse ou pénible, parce que c'est cette semaine qui fait mention, on va dire, des souffrances que Jésus a subies dans les derniers jours de sa vie. On l'appelait aussi la semaine d'indulgence, parce que justement les croyants venaient demander le pardon de Dieu. Et puis, on l'a finalement appelée la Semaine Sainte, à cause de la sainteté des mystères que l'on célèbre. Voilà, donc aujourd'hui, elle s'appelle la Semaine Sainte. Alors, ce qui particularisait cette semaine, c'était la rigueur du jeûne. C'est-à-dire que pendant le carême, c'est un temps de jeûne où on fait des efforts, on va dire, au niveau de la nourriture, entre autres. Et dans l'Antiquité, il faut savoir, ça c'est quand même assez incroyable, les gens pouvaient jeûner pendant 7 jours sans manger de nourriture. Voilà, du lundi jusqu'au dimanche de Pâques, ils ne mangeaient pas, pour certains en tout cas, et pour la plupart, ils ne mangeaient pas pendant 2 ou 3 ou 4 jours consécutifs. Rien à voir avec aujourd'hui où on va dire la plupart des gens aujourd'hui, les croyants, pratiquants, font simplement, on va dire, attention de ne pas manger de viande le vendredi saint. Voilà, un autre signe fort de cette semaine, c'était les veilles qui étaient prolongées la nuit dans les églises. On pouvait passer beaucoup, beaucoup plus de temps dans les églises après les célébrations. Il y avait aussi la suspension du travail et du commerce. Voilà, pendant toute cette semaine, eh bien finalement, vu que la prière prenait beaucoup de temps et puis le jeûne affaiblissait le corps, eh bien, on permettait à ce que le travail et le commerce ne continuent pas. Et puis, c'était aussi les tribunaux qui étaient fermés. Voilà, on ne rendait plus de jugement pendant cette quinzaine-là, donc la Semaine Sainte, plus la semaine après le dimanche de Pâques. L'action de justice était arrêtée. Et puis, les princes chrétiens ordonnaient même que l'on brisât les chaînes des prisonniers, que l'on ouvrît les cachots et que l'on rendit la liberté à des prisonniers, donc sauf ceux qui étaient des grands criminels et dont les délits pouvaient atteindre gravement la famille ou la société. Voilà. Et puis enfin, eh bien, il y avait les esclaves. Les esclaves, pendant cette quinzaine, ont demandé au maître chrétien de laisser les esclaves en repos ces jours-ci et pour qu'ils soient enseignés de ce qui allait se passer. Enfin, c'était une semaine où les gens étaient beaucoup plus généreux dans leurs donations aux pauvres, à l'église. Voilà, donc ça c'était Don Guéranger, ce qui est un moine du 19e siècle, qui nous raconte un peu cette historique de cette Semaine Sainte. Merci Vincent pour tes lumières sur l'histoire de la Semaine Sainte. Et maintenant nous allons prendre une première pause musicale avec Dieu au-delà de tout créé. Thank you. Voilà, c'était Dieu au-delà de tout créé, un hymne de carême interprété par des religieux. Et maintenant, nous allons écouter Gauthier. Eh oui, Jean. Mathieu, je t'ai amené un calendrier. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a le 28 mars? Merci, Gauthier. Alors, le 28 mars, dimanche des rameaux. Ah ben voilà, les rameaux. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs ont un calendrier où il y a inscrit rameau dessus, hein, mais sur celui-ci, ça y est. Dans la religion catholique, on appelle rameau la fête qui débute la semaine sainte. Alors, bon, peut-être avez-vous d'ailleurs déjà vu une branche de buis derrière un crucifix, ou alors votre voisin scout vous a-t-il remis une branche d'olivier en revenant de la messe? Eh bien, ce sont des rameaux bénis à la messe, qui s'appelle tout simplement messe des rameaux. Ils rappellent, comme raconté dans la Bible, l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. La foule va acclamer Jésus, toute heureuse de sa venue. La Bible rapporte que des gens coupent des feuillages dans les champs, ce qui a donné nos rameaux à nous aujourd'hui. On les rencontre en buis, en olivier, parfois avec de la haie. Beaucoup de familles aiment faire bénir ces feuillages et les mettre après derrière un crucifix ou parfois sur une tombe au cimetière. À la messe, on entendra aussi une exclamation connue par les inconditionnels des visiteurs. « Hosanna, Messie, Hosanna !» criait Jacouille. Alors ce mot « Hosanna », ça vient de l'hébreu, ce qui veut dire « Sauve, nous t'en prions ». C'est une acclamation. La foule juive de l'époque à Jérusalem acclame Jésus comme son roi. Voilà, la fête des rameaux, c'est ce qui débute la semaine sainte. C'est aussi appelé parfois le dimanche de la Passion, pas parce qu'il est plus passionnant qu'un autre, mais tout simplement parce qu'au cours de la messe, on va lire un des récits dans la Bible qui raconte la mort de Jésus, comment il est amené du tribunal, si l'on peut dire, à la croix. Si je vais plus loin dans le calendrier, cette année, le 1er avril, ça tombe un jeudi. Alors bon, oui, c'est le jour du poisson d'avril, mais pour les chrétiens, ce sera aussi le jeudi saint. Pour les catholiques, c'est une autre fête importante. Ce jour-là, on se rappelle de plusieurs choses. Hein. Alors, tout d'abord, on fait mémoire de l'institution de la messe. Jésus, c'est ce qui est lu ce jour-là, hein, de la Bible, Jésus va partager un dernier repas avec ses amis. C'est ce qui s'appelle la scène. Hein. Léonard de Vinci l'a représenté, et bien d'autres peintres d'ailleurs. Au cours de ce repas, Jésus partage du pain et du vin pour la dernière fois. C'est ce qui donnera forme d'ailleurs à la messe catholique, à la divine liturgie orthodoxe, à la scène protestante. Jésus, il va aussi ce jour-là laver les pieds de ses disciples. C'est un geste déconcertant parce que ses amis, ben, ils ne comprennent pas hein, pourquoi un homme qui se dit Dieu réalise un tel geste finalement qui est propre, on pourrait dire, aux domestiques, aux serviteurs. Ben, pour Jésus-Christ, cela symbolise l'abaissement. Ça préfigure la passion, tout simplement, la mort qui vient pour lui de façon imminente. Pour nous, enfin, pour nous chrétiens, c'est l'invitation à être au service des uns des autres. Jésus dira aux disciples de faire de même, et c'est ce que nous avons à faire, en tous les cas, ce que les chrétiens ont à faire aujourd'hui. Et puis pour finir, une petite anecdote, c'est à partir de ce jour-là que l'on dit que les cloches partent à Rome. Alors oui, elle tinte une dernière fois, hein, avant de sonner à nouveau à Pâques seulement. Bon, pas tant pour aller chercher les œufs en chocolat, mais surtout pour marquer le silence des deux jours suivants. Mais ça, Antoine vous en parlera. Merci Gauthier pour tes lumières sur ce sujet. Et maintenant, une pause musicale. En ce jardin, je dépose ma vie, plus de chemin. La vérité me fuit, plus de matin. Mais cette nuit vient où tout s'éteint. Quelle froideur. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Fagette. On a écouté Gethsemane de Glorious, un groupe chrétien français établi à Lyon qui interprète la louange à sa façon. Et pour terminer, nous allons écouter notre dernier chroniqueur, Antoine. Merci Jean. Alors, comme l'a introduit Gauthier, nous sommes entrés, à la fin de la célébration du Jeudi Saint, dans le grand silence de cette Semaine Sainte. Un silence qui nous invite à persévérer dans la prière à la suite de Jésus qui nous demande de veiller. L'adoration du Saint-Sacrement, qui est proposée également, nous invite à l'accompagner dans sa passion. Nous arrivons donc au Vendredi Saint, le lendemain matin, jour de la célébration de la croix. Alors attention, on ne va pas contempler Jésus sanguinolent, mais nous allons nous tourner vers son amour, un amour qui l'a accompli jusqu'au bout. Il a fait la volonté du Père jusqu'au bout. Donc, comme nous l'avions dit lors de notre toute première émission sur les croix, Jésus s'offre. Nous sommes sollicités à lever les yeux vers cette croix pour en recevoir une preuve suprême, inouïe, de cet amour. Le Christ est élevé dans la gloire, il est déjà vainqueur de la mort. Nous relisons en fait la Passion selon saint Jean. C'est un récit qui a le plus de recul par rapport aux événements de cet abaissement et de ce qui est arrivé à Capharnaüm. Ce personnage, cet évangéliste qui témoigne d'une certaine intériorité, nous fait voir Jésus en majesté et Jésus qui conduit lui-même le récit. La célébration de ce vendredi saint commence d'ailleurs en position allongée, qui est la position des morts. C'est la configuration au Christ dans sa mort, mais attention, chaque jour de cette semaine sainte célèbre un même mystère pascal, mais d'une manière seulement différente. Alors, nous jeûnons, comme l'a dit Vincent, ce jour-là, c'est le jour d'un jeûne qui est un peu le jeûne maître de tous les autres qui sont proposés au cours de l'année. Nous allons, à la fin de ce vendredi saint, rester en silence et nous entrons dans le samedi saint, un samedi qui commence par lui aussi du silence. Toute l'église retient son souffle. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais nous sommes comme dans une attente. Cette veillée pascale qui arrive le samedi soir, c'est la veillée mère, la célébration mère de toute l'année liturgique qui est le centre, qui représente le centre de notre foi. Cette célébration commence par un feu, la liturgie du feu qui nous fait nous rassembler dehors à la nuit tombée. Ce sera un peu particulier cette année, mais cette procession de la lumière va nous faire entrer dans le mystère de la résurrection, puisque Pâques, c'est la fête de la résurrection. C'est une célébration, cette veillée pascale, où l'on se rappelle de notre baptême, le baptême de chacun d'entre nous, qui est en quelque sorte renouvelé. Si notre foi vacille, on peut dire qu'on est invité à la rallumer au contact des autres. Nous chantons au cours de cette célébration l'Exultet, c'est l'annonce de la Pâque, pas seulement aux chrétiens, mais à toute l'humanité. Et puis Dieu va parler, le peuple écoute un certain nombre de textes bibliques, et puis cette Eucharistie, cette messe qui clôt la célébration, est ouverte sur ce qu'on appelle un banquet pascal sur l'éternité, qui nous permet de nous adresser un grand bonjour pascal le matin de Pâques. Merci Antoine, nous allons maintenant prendre une dernière pause musicale. Passez dans les terres arides. et sa gloire. Quand ce monde paraît, sa parole nous est donnée pour nos pas. Elle est lumière à jamais. Voilà, c'était préparé à travers le désert de la communauté de l'Emmanuel. Cette édition se termine. Restez sur Grand Large et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci à toi Vincent. Merci Jean. Merci Gauthier. Merci à tous. Et merci Antoine. Merci à tous. Attendez, ça me fait penser que je dois acheter mes œufs de Pâques pour dimanche prochain. Ces œufs au fait, vous savez ce que c'est ? Des œufs peints qu'on trouve dans les arbres de Pâques que les enfants peignent à l'école. Eh bien, cette tradition-là, elle vient de l'Antiquité. Chez les Romains, les Perses ou encore chez les Égyptiens, ces œufs symbolisaient le retour de la vie, le retour du printemps. Ainsi, si vous achetez des œufs, vous saurez que les chrétiens, au 9e siècle, n'avaient pas le droit d'en manger pendant tout le temps de carême. Alors certes, aujourd'hui, on veille plutôt au jeûne du vendredi, mais c'est intéressant comme quoi de voir la diversité de cette célébration du retour de la vie, du retour du printemps, non seulement par les fleurs, non seulement par les célébrations pascales, mais aussi par les œufs. Voilà, cette édition se termine. Restez sur Grand Large et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci à toi, Vincent. Merci, Jean. Merci à tous. Merci, Gauthier. Merci. Et merci à toi, Antoine, notamment pour cet éclaircissement sur les œufs. Merci. Et à bientôt sur Radio Faget. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Bonne fête de Pâques.